semble que le monde n'a pas compris ce qu'est la vie. On rit, on joue, on comble un semblant de bonheur enfoui. Moi je reste sans toi. Encore une fois, plus rien ne va. Je voulais pas qu'un soir on puisse dire en ma mémoire. Je pars ce soir, plus un regard et plus d'espoir. Il est grand temps de retrouver mon âme déjà envolée. Je sais que ça fait mal, je sais c'est la vie qui veut ça. Trop de mal, regarde, tu ne souris pas. Je ne vois que des larmes qui coulent le long de ta voix. Je pars ce soir, plus un regard et plus d'espoir. Qu'est la vie. Moi je sais que